130 km/h. La distance parcourue en une seconde est de 39 mètres environ. Cela correspond au temps de réaction nécessaire pour un conducteur en forme. Pour être dans des conditions de sécurité les meilleures, il faut doubler cette distance et laisser un intervalle de près de 80 mètres, soit 2 secondes. Sur autoroute, la bande d'arrêt d'urgence est constituée de traits de 38 mètres et d'espaces de 14 mètres. En laissant 2 traits d'intervalle, ma distance de sécurité est toujours la bonne. Réponse B et D.